pensar é fogo. Eu entrei no jogo quando te vi. Eu dançar é fogo. Eu entrei no jogo quando te vi. És tão sensual, és pecado mortal. Vivo louco por ti. És uma brasa, amor. És uma brasa. Bailas com tanta paixão. És uma brasa, amor. És uma brasa que faz arder meu coração. És uma brasa, amor. És uma brasa. E o teu olhar tem mais brilho. És uma brasa, amor. És uma brasa. Tu és boa como brilho. Contigo, amor, sentir teu calor, ter o teu abrigo. Dançar contigo, amor, sentir teu calor, ter o teu abrigo. Posso enlouquecer, posso até morrer, dançando contigo. És uma brasa, amor, és uma brasa. Bailas com tanta paixão. És uma brasa. És uma brasa que faz arder meu coração. És uma brasa, amor. És uma brasa. E o teu olhar tem mais brilho. És uma brasa, amor. És uma brasa. E tu

promesses pleines d'insouciance, l'ombre douce de vos adieux. Je me souviens, c'était si précieux. Et si le temps efface les traces, je garde vos pas dans ma glace, un reflet tendre dans l'infini. Je me souviens, c'est mon abri. Je me souviens de tout, de rien, de l'éphémère au lendemain, chaque instant gravé comme un bijou. Je me souviens de vous. Je me souviens. Pourquoi chercher à comprendre? C'est comme un rêve, un sortilège. L'amour est venu sans rien dire. Il t'a suffi de me sourire pour que toute ma vie chavire. Rien ne s'explique, tout est magique. Seulement toi, j'ai le cœur plein. Ma vie est un grand bal qui n'en finit pas. Seulement toi, je danse et je m'envole. Mais soudain je m'affole quand tu n'es pas là. Seulement toi, je le dis, je qu'un jour nous vieillirons ensemble, enlacés sur la même rive, en partageant la joie de vivre. L'amour est venu nous surprendre, j'étais bien loin de m'y attendre, mais pourquoi chercher à comprendre? C'est comme un rêve, un sortilège seulement. J'ai le cœur plein d'étoiles. Ma vie est un grand bal qui n'en finit pas. Seulement toi, je danse et je m'envole. Mais soudain je m'affole quand tu n'es pas là. Seulement toi, je le dis, je le dis. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Bonjour à tous, chers auditeurs. Nicolas vous donne rendez-vous tous les dimanches de 13h30 à 16h dans l'émission Accordéon Musette sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 FM. Tous à vous toutes, il est 13h30 passé, donc il est 13h35. Nous sommes le dimanche et retour avec l'accordéon. Et puis pour vous, j'espère que vous avez passé une très bonne matinée avec tout ce que vous voulez faire ce matin. Tout simplement, et voilà, j'espère que vous allez bien la continuer aussi l'après-midi. Et puis aussi un petit merci aussi à tout simplement et bien Sylvie pour ce matin qui a assuré l'émission et puis que vous allez la retrouver et bien bientôt. Aussi avec Antonio ce matin entre 8h jusqu'à 10h. Aussi pareil que vous allez le retrouver dimanche prochain. Et bien pour nous, nous sommes là pour l'après-midi avec l'accordéon. Et on va continuer avec la valse et puis le tango. Arc-en-ciel. We'll be right back.

ailleurs je reste un étranger. Je garde mes amis d'Auvergne dans le ciel bleu de mes pensées.

océans et continents, bercés, caressés par le vent. Ils sont si beaux à regarder, je viens souvent les admirer. Quand arrivent les vacanciers, au début du mois de juillet, la saison est déjà finie. Oui, la nature est faite ainsi. Les mimosas de Noirmoutier sont si jolis en février. Chaque année, ça recommence. C'est ici comme en Provence. Tous ces bouquets pour le plaisir de ceux qui viennent les cueillir. Dans ce jardin magnifique d'une île de l'Atlantique. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et on continue avec un autre boléro et suivi de la samba. C'est de l'avant si bien ensemble que rien ne peut les séparer. Leur amour toujours ils tremblent, la vie les a tant gâtés. Ces deux-là sont si bien ensemble que rien n'a pu les séparer. Pour leur amour encore ils tremblent malgré le nombre d'années. Ils seront toujours ensemble, rien ne peut les séparer. Voyez comme ils se ressemblent, l'un contre l'autre serré. Sont l'image de la tendresse, le bonheur est dans leurs yeux. Leur regard n'est que promesse, ils seront toujours heureux. C'est de l'avant si bien ensemble que rien ne peut les séparer. Pour leur amour toujours ils tremblent, la vie les a tant gâtés. Ces deux-là sont si bien ensemble que rien n'a pu les séparer. Pour leur amour encore ils tremblent malgré le nombre d'années. Ils s'aiment pour toute la vie, beaucoup moins fort que demain. Oubliez le temps des folies, toujours son main dans la main. Sont l'image de la tendresse, le bonheur est dans leurs yeux. Leur regard n'est que tendresse, ils seront toujours heureux. C'est de l'avant si bien ensemble que rien ne peut les séparer. Pour leur amour toujours ils tremblent, la vie les a tant gâtés. Ces deux-là sont si bien ensemble que rien n'a pu les séparer.

se perdit le monde, bien abrité au bord de l'eau, où la truite vagabonde fait la maison de mes parents, auprès du torrent qui gronde. J'espère bien vivre longtemps dans le moulin du bon temps. La vie était pour nous bien légère, on s'amusait comme on fait à 12 ans, jouant caché parmi les fougères, comme ils battaient nos petits cœurs d'enfants. Le vieux moulin où nous aimions rêver fut le témoin de nos baisers. C'est un moulin, le Dimisseau, un peu perdu loin du monde, bien habité au bord de l'eau, où la truite vagabonde fait la maison de mes parents, auprès du torrent qui gronde. J'espère bien vivre longtemps dans le moulin du bon temps. Écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. C'est le week-end sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Et on continue avec d'autres musettes d'accordéon. Et voici le bourré et puis juste après la fiesta. éclater. Avec l'accordéon dans nos belles monnaies, viens rechante-nous tes chansons comme de la tradition. Un, deux, trois, c'est parti, entouré de bruyères, jamais de répit, nous dansons sans souci. C'est pour ça bien danser, labourer au verniaque avec agilité. Allez, viens la danser. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et bien donc, après le festin mexicain, voici la tarentelle. Esploderà, la Petrosa canta forte, il Calabro non si fermerà, a San Nicola stanotte la fatica se ne va. Da Castromuro a Pantaide la fisarmonica va, a Malafarina si sorride mentre Trigiano balla già. Santa litterata, la nostra musica suonerà, da Livorno a San Giorgio questa notte gira il ballo, da Pianola Pomai a Nizzi si risponde forte al canto. A quattro mani il ritmo prende forza insieme a me, da Virella fino a Valle questa festa è tutta per te, a Pianola donna il canto sale lento e poi verrà, alle fontane l'alba ci troverà ancora qua. Viva chi tiene viva questa storia che rimarrà, sono i nonni e i genitori che ci hanno insegnato già, con due sedie, un organetto e un bicchiere di allegria si ballava fino a tardi senza niente, senza via. La la la la la la la la. Questa voce resterà finché c'è chi vuole ballare e il vedere canterà. We'll be right back. vieni a ballare con me. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et puis pour continuer avec la suite de l'accordéon, et voici la programmation pour demain lundi. Donc à partir de 9h jusqu'à midi avec Musica, donc la musique non-stop entre 9h jusqu'à midi avec Annabelle. Et puis l'après-midi, entre 14h jusqu'à 16h, l'émission de Pop Pop. Et puis en soirée, à partir de 19h jusqu'à 21h, vous allez retrouver On The Rock avec Manu. Et puis suivi entre 21h et 22h avec Rémi, l'émission La Rédac du Sport. Donc si vous aimez le sport, et bien avec Rémi. Avec l'accordéon. magnétique. Elle sent la lavande et n'a qu'une musique, c'est le chant des oiseaux. Venez, venez à El Rancho, c'est le plus grand, c'est le plus beau. Vous aimerez si vous chantez, venez à El Rancho Grande. Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et on continue, voici la polka et après on ira faire un petit tour de l'accordéon d'une région. chanteur du régional. Et par chez mon marchand souvent, il faut donc que je me lève tôt. Je déhante à pouvoir les couvrir. Maintenant, ce qu'ils ont à dire, les paroches, les radios, les infos, je trouverai tout ce qu'il me faut. La cordée de nos régions, c'est le bonheur à la maison. La cordée de nos régions, fait rêver en toute saison. Quand il nous offre ses flancs, le musée a toujours raison. Il remplit nos cœurs de chansons, c'est la cordée de nos régions. Du fond de la Bretagne au Morvan, en Alsace et du Nord à nos gens, partout il y a des abonnements à ce bouquin qui nous manquait tant. La musique, ça fait vibrer les cœurs, cette revue nous donne tant de bonheur. On est comme des gamins impatients, on attend le numéro suivant. L'accordéon de nos régions, c'est le bonheur. Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Et retour avec un morceau de Fuja, et puis juste après la bourrée. We'll be right back.

Vous écoutez Radio Arc-en-Ciel sur le 96.2 FM de l'Orléanais et sur radio-arc-en-ciel.fr. Bientôt 16h, il est 15h48. Voilà, donc bien, l'émission va toucher à sa fin pour aujourd'hui. Donc avant de se quitter, bien, j'espère que tout ça a plu pour vous, que vous avez bien aimé la musique de l'accordéon. Et bien, on va terminer avec quelques morceaux d'accordéon, avec le tango, la marche et puis le folklore d'accordéon. Mais avant de se quitter, tout simplement, et bien, j'espère que tout s'est bien passé pour vous. On va se retrouver donc et bien dimanche prochain à partir de 12h30 et puis ainsi mardi à partir de 13h30 pour l'émission Music Dance. Voilà. Donc, eh bien, je vous dis bon santos à vous toutes. Muito boa tarde, são 3 horas, 2 nos Açores.